Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les accidents de travail au Québec à la fin du 19e et au début du 20e siècle. C'était une vieille usine, ils ne veulent pas la renouveler. Quand on leur parle de mettre de la sécurité, ils disent c'est pas payant, on va fermer ça. Alors, ils font travailler des gars de peur, je veux dire, puis de force, puis sans respecter les lois de la province de Québec. Le syndicaliste Michel Chartrand, qui s'indigne des conditions dans lesquelles travaillent les ouvriers d'une usine d'explosifs de la région de Montréal au lendemain d'une explosion qui a fait 8 morts et 7 blessés dans cette usine de la compagnie CIL. Nous sommes en octobre 1975 et si les accidents de travail continuent d'être une préoccupation importante dans les années 70, imaginez un peu à quoi ressemblait la situation à la fin du 19e et au début du 20e siècle, au moment où le Québec s'industrialise et où on commence à peine à s'intéresser à ces questions de sécurité des travailleurs. En 1966, 104 travailleurs de la construction ont été tués au Québec dans les accidents de travail. Il y a actuellement un accident toutes les 30 secondes sur les chantiers de construction à Montréal. Hier encore, 2 hommes y ont été électrocutés. Selon les syndicats, la faute repose d'une part sur l'incurie du service d'inspection du ministère du Travail et d'autre part sur la négligence criminelle de trop nombreux entrepreneurs. Non, le service d'inspection pour nous autres, les ouvriers, c'est pourri. Et quand nous payons la somme formidable de 600 000 ou 700 000 $ par année à des inspecteurs, à 50 inspecteurs, pour surveiller les chantiers, voir aux accidents et remédier à la situation, bon. Le résultat, en 1966, 2 morts par semaine. Alors, je pense que le résultat est là automatiquement, on ne peut pas... Alors, quelles sont vos suggestions aux autres syndicats? Nous avons demandé au gouvernement, et nous faisons encore des pressions sur le gouvernement, à savoir que les gens qui sont payés par les travailleurs, qui peuvent arrêter les chantiers quand ils constatent sur les chantiers même des anomalies. Extrait de l'émission Aujourd'hui, du 29 mars 1968, 104 morts sur les chantiers de construction du Québec en 1966, nous dit l'animatrice Michèle Tisser dans cet extrait. Inefficacité, manque de pouvoir des inspecteurs du travail, rajoute le syndicaliste Robert Mansour de la CSN. Quand commence-t-on à s'intéresser au Québec aux conditions des travailleurs, aux conditions de la sécurité entourant les travailleurs? Quand nomme-t-on les premiers inspecteurs du travail chez nous? On en parle avec Magda Farny, qui est professeure d'histoire à l'Université du Québec à Montréal, qui s'intéresse au monde industriel du début du 20e siècle à Montréal. Magda Farny, bonjour. Bonjour. Je vous pose directement la question. Ça commence quand, cette préoccupation au Québec du sort des travailleurs, de la sécurité au travail? Mm-hmm. Je dirais que la décennie clé, le moment clé, c'est vraiment les années 1880. Le Québec s'industrialise tôt comparé à d'autres provinces canadiennes. Alors, dans les années 1880, Montréal est déjà industrialisé depuis quelques décennies. En 1885, le gouvernement du Québec adopte l'Acte des manufactures du Québec, la première loi globale, si on veut, qui réglemente le travail industriel. Et donc, il est prévu dans cette loi de 85 de nommer des inspecteurs provinciaux nommés par le gouvernement, qui iront dans les usines, dans les manufactures, dans les petits ateliers et qui feront rapport sur ce qu'ils trouvent. Alors, c'est en 88, en fait, qu'on nomme les premiers inspecteurs. Mmh. Et la loi, en fait, déjà pose... L'objectif de cette loi-là, il y aura des inspecteurs qui seront nommés, mmh. mais c'est aussi d'éviter et de mettre fin aux abus. Vous le disiez, ça fait déjà quelques décennies que ce monde industriel existe au Québec. On voit qu'il y a des abus, on voit qu'il y a des accidents. Et c'est ça l'objectif de la loi. C'est de prévenir des abus, je dirais. C'est aussi d'encadrer le travail industriel, le monde industriel. C'est d'apporter une certaine stabilité. Parce que jusque-là, si on imagine un capitalisme sauvage, on a 2 mondes. On a le patronat, on a les travailleurs. Ici, on a un 3e acteur, c'est l'État oui. qui intervient et qui se dit, comme ailleurs, comme en Europe, comme aux États-Unis, nous avons un rôle à jouer pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas d'abus, en effet, et pour que, faut le dire, pour que l'industrie ait un cadre stable mm-hmm. dans lequel évoluer. Et ça, c'est assez nouveau, cette intervention de l'État chez nous, en tout cas. Oui, parce que jusque-là, c'est du domaine privé. L'entrepreneur, le propriétaire d'usine, fait ce qu'il veut. Les travailleurs, entre guillemets, lui appartiennent. C'est à peu près ça. Les inspecteurs vont être importants. Ils sont déjà prévus dans la loi. Donc, quelques années plus tard, ils sont nommés. Pourquoi déjà on réalise qu'ils seront clés, ces inspecteurs du travail? Mais je pense que c'est comme vous le disiez, jusque-là, ce qui se passait au sein des usines était du travail presque invisible, dans le sens où, du monde extérieur, on avait très peu d'idées. Ce qui se passait, c'était les ouvriers étaient sous le règne du patron, du contremaître aussi. C'est sûr qu'il y a des syndicats aussi, puis c'est un autre acteur, c'est un quatrième acteur, si on veut, qui est important et qui va avoir son mot à dire dans la gestion du travail. Mais l'idée de cette intervention, c'est qu'il y ait des témoins, si on veut, et des gens qui sont là pour faire en sorte que les lois adoptées par le gouvernement du Québec soient respectées par le patronat, mais aussi par les ouvriers. Ah bon? Parce que, effectivement, le chien de garde, sinon, peu importe la loi, si on ne la fait pas respecter, elle ne sert à rien. C'est un peu ça l'idée. Oui, tout à fait. Ouais. Très vite, ça c'est intéressant parce que ça peut a priori paraître étonnant. On nomme à l'époque, très rapidement, des femmes inspectrices du travail aussi. Quand est-ce qu'elles arrivent, qu'elles sont nommées les premières et pourquoi on décide de nommer des femmes? Encore une fois, ça peut étonner, là. On est au 19e siècle. Oui, l'histoire est très intéressante. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui se passe au Québec n'est pas du tout une aberration. Ça se passe de manière semblable un peu partout en Occident. C'est-à-dire que les premières femmes au Québec sont nommées en 1897. Même pas une décennie après les premiers inspecteurs. Les deux premières inspectrices au Québec s'appellent Louise Provencher et Louisa Vesso-King. Je pourrais vous en parler pendant très, très longtemps. Mais elles sont nommées parce qu'on se rend compte très rapidement dans les années 80, à la fin des années 80, que les inspecteurs masculins ne se sentent pas à l'aise ou ne sont pas capables de poser des questions jugées délicates aux ouvrières et aux enfants. Et donc, lorsqu'on décide, au Québec comme ailleurs, de nommer des inspectrices, c'est à la lumière des découvertes faites dans le cadre de la Commission royale d'enquête sur les relations entre le travail et le capital dans les années 80, où on découvre que finalement, les ouvrières, les jeunes filles, les jeunes femmes, ont des préoccupations liées au travail qui ne sont pas identiques aux préoccupations des hommes. Et on s'est dit, bon, une inspectrice, une femme, aura plus de facilité à aborder ces questions concernant la sécurité physique, par exemple, concernant la sexualité, concernant les toilettes. Parce qu'il y a des choses très concrètes, toilettes séparées. C'est ça. Il y a des choses plus... plus sensible, la question de la maternité, des problèmes de santé... reproductive. Voilà. Tout à fait. Puis on se dit aussi, et ça c'est très important, que les inspectrices auront plus de facilité auprès des enfants. Parce qu'il ne faut pas oublier, dans les usines, les manufactures du Québec, à l'époque, on trouve beaucoup d'adolescents, puis on trouve des enfants, parfois, âgés de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et donc, on se dit, bon, si la question est de renvoyer l'enfant de l'usine pour qu'il fréquente l'école, une inspectrice, jouant le rôle un peu maternaliste, pourra l'aborder plus facilement. Comment ils sont nommés, hommes ou femmes, comment ils sont nommés, ces inspecteurs, ces inspectrices? Oui, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore de la fonction publique québécoise naissante, en fait, de cette époque. Ceux qui ont étudié la fonction publique au 19e siècle, on découvre que c'est le patronage qui règne. C'est-à-dire, on nomme un homme, une femme à un poste de fonctionnaire en récompense pour des services rendus, mais selon les lignes du parti. C'est ça. Donc, si le gouvernement est libéral, il y a de très, très bonnes chances qu'on nomme une personne d'affiliation libérale. Dans le cas des inspectrices, je soupçonne, ça, je ne l'ai pas encore démontré de manière satisfaisante, mais j'y travaille. Je soupçonne que dans plusieurs cas, c'était des veuves. En fait, je sais que c'était des veuves, mais des femmes d'anciens fonctionnaires. Et donc, en guise de pension, pour récompenser les services rendus par leur mari décédé, on donne à ces femmes un travail comme inspectrice. Et dans les faits, presque toutes les inspectrices au Québec, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, sont soit veuves, soit femmes célibataires. Il y a une loi, on va avancer un petit peu dans la chronologie, 1885, première loi, il y a une deuxième loi un peu plus tard, mais 1909, une troisième loi qui est importante, la première loi sur les accidents de travail comme telle est adoptée au Québec. On va d'ailleurs dire qu'il s'agit de la première loi de sécurité sociale au Canada. Qu'est-ce que prévoit cette loi, Magda Farny, et pourquoi elle est si importante, cette loi-là? Oui, c'est la loi de 1909 sur les accidents du travail qui est en effet une loi pionnière. Avant 1909, dans le cas d'un accident du travail, si un ouvrier voulait, par exemple, être compensé pour ce qu'il a perdu ou vécu, il doit amener son employeur devant les tribunaux et il doit démontrer la faute de son employeur. Et vous pouvez imaginer, fin du 19e siècle, avec les rapports de force à l'œuvre, ce n'est pas une chose facile de démontrer la faute. La loi de 1909 reconnaît le principe de ce qu'on appelle le risque professionnel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir responsabilité sans faute. Ouais. Alors, ça se passe toujours devant les tribunaux, et ça, c'est important. Même après la loi de 1909, ces cas sont gérés devant les tribunaux, mais l'ouvrier n'a plus à démontrer la faute de son employeur. L'employeur, par le fait même d'être employeur, oui, est responsable ou peut être responsable. Et l'autre chose qui il change... Il doit donc indemniser. Il y a eu blessure, par exemple. Oui. Peu importe, c'est la responsabilité de l'employeur d'indemniser le travailleur. Tout à fait. Puis on établit tout un barème d'indemnisation, justement, qui peuvent être augmentés ou réduits s'il y a ce qu'on considère la faute extrême, en fait, de l'employeur ou du travailleur. Entrons un petit peu dans ce fameux monde industriel, dans ces fameuses usines. Ça ressemble à quoi, les conditions des travailleurs à l'époque? Mais c'est très intéressant. Puis je crois qu'aujourd'hui, on a souvent l'image qui nous provient des films américains du travail à la chaîne, des usines de Henry Ford, par exemple, qui sont très routinisées. Lorsqu'on regarde les photos des usines et des manufactures à Montréal et dans d'autres villes industrielles à la fin du 19e siècle, on se rend compte que finalement, il y a une grande diversité. Il y a de très, très grandes usines imposantes. On pourrait penser à l'usine de tabac McDonald's dans Hochelaga, par exemple. 4 étages, une grande, très grande superficie. Il y a aussi de petites manufactures et des petits ateliers de confection, par exemple, ce qu'on appelle en anglais les sweatshops, oui, le terme qu'on connaît très bien. Ces usines, ces manufactures sont souvent mal éclairées. Ce sont des endroits qui peuvent être très sombres, sont souvent mal chauffés. Selon l'industrie, ça peut être des usines où il fait très, très chaud ou, au contraire, très, très froid, mal ventilées. On se plaint beaucoup, les ouvriers se plaignent beaucoup de la ventilation, du manque de ventilation. Et ce sont des usines où la machinerie, la technologie joue un rôle de plus en plus important. Mmh. Et donc, ces espaces vont être investis, envahis même, par de nouveaux outils, de nouvelles machines, qui sont parfois peu connues des ouvriers et des ouvrières qui doivent les utiliser. Et ça va être une des causes principales, je pense, le manque de formation des travailleurs qui ne sont pas qualifiés, mais c'est une des causes principales des accidents de travail de l'époque. Est-ce qu'il y en a beaucoup de ces accidents? De quel genre d'accident on parle, généralement? Oui. Réponse courte, oui, il y en a beaucoup. Il est certain qu'en tant qu'historienne, je ne saurais jamais combien d'accidents il y a eu, parce que ce ne sont pas tous les accidents qui sont rapportés, qui sont inscrits. Les inspecteurs sont nommés justement pour ça, pour chercher, pour créer, pour constituer des statistiques, à savoir combien d'accidents se produisent. Il est certain, et ce que les inspecteurs découvrent très rapidement, c'est que les patrons, les contremaîtres, les ouvriers ne vont pas inscrire chaque accident dans un registre, parce qu'il y a des accidents qu'on juge banals, par exemple. Mais il y en a beaucoup, puis ils sont de nature diverse. On pense, par exemple, aux ouvriers, aux ouvrières qui se font broyer par les machines, par exemple, qui sont brûlés, ébouillantés, selon l'industrie. On a aussi des cas d'ouvriers, d'ouvrières qui sont blessés par des objets qui tombent sur eux, des ouvriers qui sont coupés par des morceaux de verre, par des clous. On a beaucoup d'histoires de jeunes filles, de jeunes femmes qui se font scalper par la machinerie parce qu'elles n'attachent pas leurs cheveux. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est l'une des plaintes récurrentes de la part des inspectrices qui disent constamment « Mais je leur ai dit qu'il fallait attacher les cheveux » et elles refusent parce qu'elles veulent paraître jolies, elles veulent paraître jeunes. Mais ça, c'est intéressant. Vous l'aviez un petit peu évoqué, mais il y a quand même une responsabilité double. Bien sûr, il y a les conditions qui répondent d'abord des employeurs, des patrons, mais les ouvriers sont aussi responsables de certains accidents dans la façon dont ils travaillent. Un petit mot sur la Première Guerre mondiale. C'est une période où il y aura beaucoup d'accidents de travail. C'est un contexte très particulier et c'est intéressant. Qu'est-ce qui pose particulièrement problème au moment de la Première Guerre mondiale, Magda Farny? Je crois que c'est le contexte particulier, c'est-à-dire que les industries québécoises et canadiennes sont appelées à produire un rendement beaucoup plus important qu'auparavant. L'urgence de guerre. Il y a une urgence, on est pressé justement. Et donc, ça fait que plusieurs anciennes usines délabrées, désaffectées, en fait, sont réoutillées, on s'en sert justement en tant qu'usine de munitions, en tant qu'usine d'explosifs, et on va recruter une main-d'œuvre inexpérimentés, mm-hmm. c'est-à-dire des adolescents qui n'ont jamais eu un travail industriel, des hommes adultes qui travaillaient auparavant dans le bois, par exemple, dans l'industrie forestière, qui vont tout d'un coup être appelés à travailler en usine, et beaucoup de femmes aussi, ouais. de jeunes femmes célibataires. Et donc, ce sont des travailleurs inexpérimentés qui ne connaissent pas cette machinerie, et dans beaucoup de cas, on a des usines qu'on pourrait juger défaillantes, dans mm-hmm. le sens où elles sont mal outillées. Elles ne sont pas équipées comme il faut. Et la logique ici, la logique des patrons, des industries, c'est de dire, bon, c'est la guerre, c'est un contexte extraordinaire mm-hmm. qui ne va pas durer longtemps. Alors pourquoi on mettrait de l'argent à réoutiller ouais. complètement notre usine quand on sait très bien que l'an prochain, on n'en aura plus besoin? Autre élément intéressant qui est lié aussi à ce contexte de la Première Guerre mondiale, évidemment l'arrivée massive de femmes sur le marché du travail. Dès 1916, en fait, les femmes vont être visées par les autorités fédérales pour aller travailler dans les usines de munitions. Les hommes étant destinés à aller combattre en Europe, on va se tourner vers les Canadiennes pour les remplacer à l'usine. Vous avez également les agents recruteurs qui vont faire le tour des usines en disant à des ouvriers, votre place n'est pas tellement indispensable ici, une femme peut vous remplacer. Et donc, il y a tout un mouvement en 1916-1917 d'agents recruteurs qui vont faire le tour des usines pour essayer de remplacer les travailleurs par des femmes. On va également trouver des femmes dans des emplois qu'elles n'occupaient pas jusque-là. Par exemple, pour conduire des tramways à Toronto ou à Kingston ou à Montréal également, puisque les hommes doivent, eux, aller à la guerre, on va essayer de les remplacer par des femmes. Cela ne va pas se faire sans des réticences. Par exemple, vous avez le maire de Toronto qui, durant le conflit, va dire « Jamais une femme ne balayera les rues de ma ville ». Vous avez également le syndicat des conducteurs de tramway à Toronto qui va s'élever contre le fait que l'on puisse remplacer des hommes par des femmes. La peur des conducteurs était surtout le fait que si des femmes prennent leur place à un salaire moindre après la guerre, celles-ci gardent ces emplois et puis eux se retrouvent sans emploi. L'historien Mourad Djebabla, extrait du documentaire « La grande guerre des Canadiens » diffusé en 2014, l'arrivée des femmes, donc Magda Farny, bouleverse un peu les choses, crée de l'inquiétude, on vient de l'entendre dans cet extrait, puis il y a quelque chose d'assez hallucinant, on va se mettre à blâmer les femmes du plus grand nombre d'accidents de travail dans les usines. C'est ça le contexte de l'époque. Oui, tout à fait. Sauf qu'il faut savoir que les femmes étaient déjà présentes dans les usines bien avant la Première Guerre mondiale, surtout à Montréal où la main-d'œuvre féminine et juvénile avait été importante depuis les années 1870. Donc ça, c'est la première chose. Ce n'est pas une arrivée soudaine. Oui. Mais il est vrai que beaucoup de femmes trouvent un emploi pour la première fois pendant la Grande Guerre. Et elles dérangent parce qu'elles sont visibles et justement parce qu'il y a moins d'hommes, en fait, sur place qu'auparavant. Et donc, c'est intéressant, ce qu'on voit durant la Grande Guerre, c'est que les syndicats, les journaux syndicaux, qui avaient toujours été les grands défenseurs, justement, de la loi sur les accidents du travail, par exemple, qui avaient toujours encouragé le gouvernement à adopter une loi qui avait du sens, ils vont se mettre à critiquer les femmes. Puis ils vont dire, bon, ces accidents se produisent en grand nombre parce qu'on a décidé d'engager des travailleuses inexpérimentées. Et leur solution, ce n'est pas de mieux équiper l'usine, de mettre des appareils protecteurs, mais de faire sortir mm-hmm. les femmes des usines. Revenons sur nos inspecteurs du travail. Mm-hmm. Question double. Comment ils sont perçus, reçus par les ouvriers et par les patrons quand ils arrivent à l'usine? Et est-ce qu'ils ont un réel pouvoir, Magda Farny? OK. Deux questions très, très importantes. Le piège, c'est qu'en tant qu'historienne, les perceptions des inspecteurs, j'y ai accès à travers les rapports écrits par les inspecteurs eux-mêmes mm-hmm. et elles-mêmes. Et donc, tout ce que je sais, c'est qu'ils me racontent, en fait, dans leurs rapports. Mais déjà, dans ces rapports, je suis capable de voir que souvent, ils sont très, très mal reçus par les contremaîtres, par les propriétaires des usines, qui voient leur arrivée, leur visite, comme de l'ingérence. Mm-hmm. Il est certain que certains propriétaires d'usines reconnaissent aussi que limiter les accidents, ça crée ça veut dire moins de coûts pour eux, c'est moins coûteux pour eux si tout roule bien. Mais il est certain qu'il y a une certaine méfiance de la part des patrons. Et je dirais la même chose de la part des ouvriers. Ils reconnaissent que les inspecteurs sont là pour faire en sorte que les lois sont appliquées, mais il reste que les inspecteurs et les inspectrices ne s'empêchent pas de sermonner les ouvriers, les ouvrières. Mm-hmm. Vous devriez vous servir des appareils protecteurs, vous devriez attacher vos cheveux, par exemple. Est-ce qu'ils font une différence? Est-ce qu'ils ont du pouvoir? Est-ce qu'ils ont du pouvoir? Je pense qu'ils ont un certain pouvoir, mais je pense qu'à cette époque-ci, avant la Grande Guerre, disons, jusque dans les années 30, c'est un pouvoir qui est limité. Et ce que je vois dans le rapport, c'est qu'ils se félicitent de victoires bien minces. Oui. Chaque petite victoire est importante pour eux, mais ils sont bien conscients qu'il y a des choses qui sont hors de leur contrôle. On fait un petit bond dans le temps. La fin des années 20, mais les années 30, il va se passer beaucoup de choses. En 1928, on crée la Commission des accidents de travail. En 1931, est adoptée la loi sur les accidents de travail. En 1937, la loi sur les salaires raisonnables. C'est un petit peu l'ancêtre du salaire minimum. Et même le très conservateur Maurice Duplessis va se vanter, vous allez voir dans cet extrait, en campagne électorale en 1939, d'avoir fait faire des gains aux travailleurs du Québec. Nous avons dit le plus. Les ouvriers ont droit d'avoir le choix de leur médecin. Vous savez, à partir de la loi des accidents de travail, c'est à les compagnies qui choisissent les médecins. Dès notre arrivée au pouvoir, nous avons passé une loi et nous avons donné aux compagnies, à l'ouvrier, le droit de choisir le médecin. Une autre promesse réalisée. Qu'est-ce que nous avons fait à part ça, mesdames et messieurs? Nous avons dit à messieurs les ouvriers, nous allons vous donner des représentants sur les commissions administratives. Du temps de M. Dachaud, la commission des accidents de travail étant composée de deux avocats et d'un agent d'assurance. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons remplacé cette commission et aujourd'hui, sur la commission des accidents de travail, vous avez un ouvrier, M. Labrèche, un représentant de l'Union des chemins de fer. Qu'est-ce que nous avons fait, M. Labrèche? Où en est le Québec, Magda Farny, au moment de ce discours de Maurice Duplessis en 1939 dans ce dossier de la sécurité au travail? Mais la loi de 1931 était très importante pour deux raisons. D'abord, elle établit une assurance étatique, une assurance d'État, et donc les employeurs n'ont plus à chercher leur propre assurance privée. Et elle couvre aussi, la loi de 31 couvre les maladies industrielles pour la première fois, chose qui n'était pas couverte dans les lois précédentes. Et donc, je dirais qu'avec la loi de 1931, le Québec se compare très favorablement aux autres provinces canadiennes. Et c'est une loi qui est bien appréciée, je dirais, de tous les bords, des ouvriers, des syndicats comme des patrons. Et en fait, c'est la loi qui jette les bases d'un régime de stabilité qui va durer jusque dans les années 70. Ça, c'est formidable. Déjà, donc, avec cette loi de 31, la base, elle est là. Oui, elle est là. Et puis, il n'y a pas grand-chose qui va changer dans le domaine des accidents du travail avant les années 70. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission, les années 70. Magda Farny, historienne et professeure à l'Université du Québec à Montréal, merci infiniment. Merci à vous. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission. À la recherche, Caroline Morin et André Martineau. Stagiaire à la recherche, Antoine Gauthier-Trépanier. Recherche d'archives, Mario Bolduc. Au site Internet, Mathieu Arsenault. À la technique aujourd'hui, Alexandre Bédard. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.